Quand la peur, un salaf a dit, qui s'appelle Ibrahim ibn Shayban, il a dit, quand la peur d'Allah se loge dans le cœur du serviteur, elle brûle toutes les envies et toutes les passions dans son cœur, dans ce cœur, et elle chasse l'attachement à la dunya du cœur. Quand la peur d'Allah s'installe dans le cœur, il n'y a plus de place pour les passions et pour les envies et pour l'amour de dunya. Et dunya, elle devient, comme les savants disent, elle devient un moyen qui te permet d'arriver vers Allah. Tu prends de dunya ce qu'il t'est nécessaire, ce qu'il t'est indispensable, et tu la considères comme l'endroit où tu rentres pour faire tes besoins. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui entre dans un endroit pour faire ses besoins et il prend plaisir à rester et à passer des bons moments dans cet endroit? Non, il est pressé de finir et de quitter cet endroit. Et Cheikh l'Islam, il donne un autre exemple, une autre parabole pour dunya. Il dit comme un âne. Comme un âne. Tu l'utilises pour arriver. Et ceux qui sont déjà montés sur un âne, ils comprennent ça. C'est pas comme le cheval, et encore moins comme le cheval avec la selle. L'âne, il est fatigant. Quand tu montes un âne, c'est fatigant. Et t'as les pieds presque qui touchent le sol. Donc, tu vas l'utiliser juste pour arriver à ton objectif. Et t'es pressé de le quitter. Cette dunya, ça doit être comme ça pour nous. On prend de cette dunya ce qui nous aide dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et savoir que cette dunya ne vaut même pas l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Et qu'elle est maudite dans sa globalité, à l'exception de ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dunya n'a pas de valeur auprès d'Allah. Un jour, le Nabi Isa alayhi salam est passé devant un bouc mort avec une oreille coupée. Et les Arabes, ils n'aiment pas le bouc, quand il a une oreille coupée, ils donnent même pas un dirham, comme ils ont dit sahaba. Et il les a vus dans le marché, préoccupés par les affaires de dunya, il leur a fait ce rappel. Il a appelé, il a dit, qui veut acheter ce bouc dont l'oreille est coupée pour un dirham? Ils ont dit au messager d'Allah, s'il était vivant, on n'aurait pas donné un dirham. Que dire qu'il est mort? Car c'est un bouc dont l'oreille est sanctionnée. C'est un défaut majeur. Il a dit, sachez que dunya auprès d'Allah vaut encore moins que ce que vaut ce bouc pour vous. Et ça, c'est tawhid. Ça, c'est les degrés de tawhid. C'est que tu sois en accord avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Mouafaqatu Rabbi fi mahabbihi wa masakhitihi. Tu dois détester ce que Allah déteste et tu dois aimer ce que Allah aime. Donc, si dunya occupe une grande place dans ton cœur, c'est que ton tawhid est faible. C'est que ton tawhid est faible. Et plus ton tawhid augmente, moins dunya aura de la place dans ton cœur. Et plus la peur d'Allah et la crainte d'Allah augmente, et la connaissance d'Allah augmente, moins dunya aura de place dans le cœur du serviteur. Qu'Allah nous facilite et nous aide pour mettre en pratique ces choses-là.